This is At the Edge of Canada, Indigenous Research, a show about Indigenous researchers doing research with Indigenous communities in Canada and beyond. I'm your host, Dr. Robert Falconulette, and I hope you will enjoy this show. Tensei. Bonjour, on revient à la mission At the Edge of Canada, Indigenous Research. Aujourd'hui, j'ai un invité très honorable devant moi, Louis Bernardin, qui vient d'écrire un nouveau livre, s'appelle L'Uriel, avant et après. Bonjour, Monsieur Bernardin. Bonjour, Robert. C'est extrême. Oui, c'est un grand plaisir de vous avoir ici. Pourquoi vous avez décidé, c'était important d'écrire un autre livre sur L'Uriel? Oui, mais c'est ça la question. J'étais en train d'écrire un livre sur des histoires courtes, variétés, là, sur les métis aussi, puis les Québécois, puis tout ça. Et puis, je me suis rendu compte que j'avais un paquet d'informations dans ma chambre d'écriture qu'il fallait que je publie immédiatement, parce que j'ai m'ai présenté à la Société historique de Saint-Boniface et le Centre du patrimoine, puis j'ai montré ça à Gilles Lesage. Puis, il m'a dit qu'il avait peut-être vu ça, là. Mais j'ai dit, tu as-tu vu ou tu n'as pas vu? Écoute, c'est des messages écrits à l'année que Louis Riel s'est fait, 2 ans avant puis 2 ans après que Louis Riel s'est fait pendre. Alors, c'est important que le monde sache ça, parce que on nous a pas fait ça à l'école, nous autres. Fait que là, j'ai décidé de laisser mon livre d'histoire courte puis écrire un livre sur Louis Riel. Puis j'ai tout ce que j'ai fait, j'ai fait un préambule qui est normal, l'histoire qu'on connaît oui. Tous sur Louis Riel, sa naissance, son père, sa mère, puis sa femme, ça. Et puis, c'était pour sortir les documents que j'avais mis la main dessus, pour que les gens aient l'opportunité de lire un livre qui compte toute l'histoire de Louis Riel. Moi, j'avais jamais entendu parler que Louis Riel, après qu'ils l'ont enterré dans l'église à Regina, après sa pendaison, ils l'ont enterré dans l'église, puis il y a un homme avec ses deux garçons, ils l'ont surveillé 24 heures pour que personne aille jouer avec le corps de Louis Riel ou le vol ou quoi. Puis quand ils ont décidé de faire ils ont fait des marchés avec John McDonald, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis un boxcar sur la siding, pas trop loin, puis ils ont déterré le corps, ils ont dégelé le corps. Puis ils l'ont traîné, là. Moi, je savais pas ça, moi. Parce que je connais bien, je connais l'histoire de Louis Riel comme tous les autres garçons de mon âge dans le temps, puis les filles. Mais on nous disait pas tout, là. Alors, c'est pour ça que j'ai écrit le livre. Et puis là, tu vas voir, quand tu lis les documents, c'est des documents de l'honorable G.A. Chapleau, secrétaire d'État. Et puis, de le gouvernement canadien. Hein? C'est le gouvernement canadien. Gouvernement canadien. Et puis là, il s'échange des notes. Il dit « Officers Club quartier réunis, en particulier, on doute la religion que vous recevrez demain par la poste. » Parce qu'il ne veut pas qu'ils prennent Louis Riel. Tu sais, puis ils ont des réunions, puis ils envoient ça à Johnny McDonald. Mais Johnny McDonald, il avait dans l'idée de prendre Louis Riel, quoi que ce soit. Quand il a envoyé l'armée à Batoche, c'est parce qu'il pensait de tuer Louis Riel. Il pensait qu'il serait mort en bataille. Mais non, Louis Riel s'est rendu. Après ça, ben, Louis Riel, il est dans une cellule 4 par 6 ou 4 par 8. Puis ils disent qu'il était prêt à virer fou. Ben, je garantis, moi, j'aurais viré fou. J'aurais fait une crise. Puis après ça, aussi l'autre affaire, c'est que Johnny McDonald, il était décidé qu'il voulait le pendre, Louis Riel, parce qu'il était dans son chemin. Puis, même que tu lises, il y a un autre livre que tu dois lire, c'est These Are the Prairies par Hamilton. These Are the Prairies par Hamilton. Ça, ce livre-là, c'est écrit par une Canadienne française qui était instruite par les Sœurs Grises, puis qui est déménagée à Edmonton, dans ce soin-là, à la Marine Police Montée. La police montée est à la retraite, puis Johnny McDonald l'avait embauché pour scouter le pays, pour faire venir ses immigrants par les États-Unis, parce qu'il savait que Louis Riel, il barrait le chemin ici. Mm-hmm. Puis Louis Riel, il pilait sur les chaînes pour arpenter, tout ça. Alors, il voulait rien avoir avec Louis Riel. Tout ce qu'il voulait, il voulait le pendre. Puis il faisait rentrer son monde, son plan B, rentrer son monde par Regina puis Saskatoon. Mais est-ce que en écrivant le livre, votre opinion de Louis Riel a changé? Est-ce quoi? Est-ce que votre opinion de Louis Riel a changé? Jamais. Moi j'ai toujours été un croyant de Louis Riel, puis Louis Riel s'est fait fourrer bien net par le gouvernement du Canada. Puis là, je m'en venais à dire que Monseigneur Taché, je l'accuse dans le livre d'homicide involontaire, Monseigneur Taché. Pourquoi? Parce qu'il a sacrifié Louis Riel parce qu'il a demandé au père Alexis que Louis Riel retracte ses mots. Il avait renié Rome. Louis Riel, oui. Religieux comme il était, il a renié Rome. Alors, Monseigneur Taché, a dit au curé Alexis, faut qu'il reprenne ses mots. Puis, il les a repris. Si tu lis vers la fin, il y a trois testaments. Pourquoi trois testaments? C'est une autre question, ça. Mais là, il a renié Rome. Puis, il est arrivé sur la comment t'appelles ça, là? La fête pour pendre une personne, là, oui. L'échafaud. Oui. Il est arrivé sur l'échafaud, puis là, c'est Louis Riel qui a demandé de dire un dernier mot. Ordinairement, c'est l'exécuteur qui demande « As-tu quelque chose à dire avant de mourir? » Mais non, soyez certes, c'est Louis Riel qui a demandé de dire un dernier mot. Puis le père Alexis, il a défendu de dire un mot, il dit « Fais un dernier sacrifice pour ton Dieu. » Puis Louis Riel, ben, religieux comme il était, il a obéi. Hein? Puis ils l'ont pendu. Puis on ne saura jamais la question de Louis Riel. Mais qu'est-ce qu'il aurait dit? On ne saura jamais. Mais moi, je pense, ben, le père Alexis, lui, avait peur qu'il renie Rome encore la dernière fois, avant de mourir. Parce que là, Monseigneur Taché a perdu toutes ses âmes-là, métisses. C'était ça qui l'intéressait, pas d'autre chose. Tu sais? Fait que c'est pas... Mais vous avez dit qu'il avait trois testaments. Oui. Pourquoi vous pensez qu'il avait trois testaments? Les trois testaments de parler quoi qui était différent? Ben oui, mais c'est ça. Je questionne pourquoi trois testaments. Parce que quand tu fais un testament, là, je sais pas si tu n'as fait un, toi. Oui, parce que j'ai cinq enfants et une femme, et il faut être certain que mes affaires sont en bon ordre. Alors, laisse-moi te dire les premières lignes de ton testament. Ça dit que « Moi, Robert Ouellet, je renie, puis j'annule tous les autres testaments. Ceci est mon dernier et mon bon testament. Puis je suis saint d'esprit, puis voici mon testament. Hein, » c'est ça? Oui, hein? Oui. Something like that. Oui. Et puis ce qui arrive, c'est que... Alors, pourquoi que le père Alexis, vous il ne savait pas ce qu'il faisait? Fait qu'il en a fait trois. Tu fais certain qu'il ne manque pas son coup, que Louis Riel retire ses mots de ce reniement de Rome, comme il faut. Puis après ça, ben, le restant, c'est juste des bagatelles. Là, puis à part de ça, le père Alexis, il écrit en bas, « Moi, voulant dire Louis Riel, moi, j'aime le père Alexis. Voyons donc, soyons sérieux, là. » J'ai fait, sais-tu, commande de testament, moi, pour les vieux à Saint-Anne-des-Chênes, parce qu'il n'y avait rien. Mais c'est pas ça. Les enfants venaient me voir après ça, puis ils voulaient savoir que si, c'est ça. Fait que je faisais faire un testament à tous mes vieux. C'est moi qui le faisais. Dans votre communauté, à vous autres? Oui, à Saint-Anne. À Saint-Anne, le foyer, le Villa-Youville. Et vous mettez votre nom en bas, Monsieur Quelqu'un, oui. Aime beaucoup Louis Bernardin. Oui, oui. Moi, il n'y a vraiment personne qui a marqué « Moi, j'aime beaucoup Louis Bernardin. » Au contraire, il ne m'aimait pas parce que j'étais quand même... je les aidais beaucoup puis je les renais pas mal raide des fois parce que j'avais bien du monde, j'avais bien d'ouvrage. Mais il m'appréciait pareil aussi. Fait que non, il n'y a vraiment personne qui a dit que... Mais c'est juste que quand t'en fais un, mais tu annules toutes les autres avant ça. Fait que c'est pour ça que j'ai questionné le fait qu'il y en avait trois. Puis l'autre affaire que je me suis aperçu en lisant tous les livres sur Louis Riel, qu'il y avait très, très, très peu d'informations sur Marguerite, sa femme. Pourquoi? Pourquoi la femme est oubliée? Parce que dans ce la grand-mère, Louis-Riel, Madame Gabouret, tout le monde connaît son elle, histoire. Oui, on était blanche. Mais, Ah oui, un peu de couleur qui est importante. Julie, la belle-mère à Marguerite, elle a vécu avec Marguerite. Fait que suffit que moi j'ai rien. Dans 12 livres que j'ai lus sur Louis-Riel, j'ai pas trouvé une page sur Marguerite. Oh, quelques mots ici et là. Fait que finalement, je l'ai mis, moi, c'est une excursion de bison à Marguerite, puis sa belle-mère, Julie, pour montrer que pour être capable de parler d'elle un peu. Parce qu'ils avaient, comme tu prends. Une relation comme homme-femme, très, très belle relation, Louis-Riel et sa femme Marguerite. Tu sais, c'était Louis, c'était pas un courroyeux pour commencer. Puis, il était souvent parti, mais ils ont eu 3 enfants, il y en a un qui est mort, puis il en restait 2. Mais est-ce que la relation, pourquoi le monde oubliait Marguerite? Pourquoi? Oh non, mais dans ce temps-là, par rapport aux femmes, hein? Surtout des femmes, des sœuresses, des autochtones. Oh, come on! Ça, c'est bon pour chauffer de l'eau, puis le bois, puis arranger le bison quand il tue du bison. Non. Soyons réalistes. Non, c'est vous pas, mais est-ce que vous pensez que Marguerite avait une influence sur son mari? Beaucoup. Alors, parce qu'elle le guidait, beaucoup, mais elle n'a pas trop loin, parce qu'elle savait qu'il était chef des Métis, puis qu'elle savait qu'il était pris avec cette affaire-là. Puis, Louis-Riel, il a été envoyé dans l'Est pour étudier parce que Monseigneur Taché voulait qu'il fasse un prêtre, lui. Et puis, quand il a refusé de faire un prêtre, et puis, Louis, il est allé dans les États, puis là, il a rencontré Marguerite, puis ils sont mariés. Tu comprends bien, ça va pas son affaire. Puis, Louis avait tellement d'influence sur les Métis, sur la nation Métis. Lui, il essayait de se sauver de ses responsabilités, mais il n'était pas capable. Il allait aux États-Unis, puis il se cachait avec ses amis, mais il venait toujours le chercher comme chef, parce qu'il avait un certain montant d'éducation, puis il pouvait... En 84. Oui. En 1884. Oui. Même c'est ma famille qui est allée le chercher. Oui. Avec Moïse Ouellet, ils ont descendu en bas au Montana pour aller la chercher et dire il faut revenir. Oui. Et ensuite, il allait coucher dans notre maison familiale en revenant au Canada. Mm-hmm. Mais est-ce que c'est une histoire manquée parce qu'on ne connaît rien sur Marguerite pour les Canadiens? Non, pas dans c'est manqué. C'était pas important, en ce temps-là. Tu parles pas des femmes métisses. Même moi, quand j'étais petit garçon, il y avait la réserve à Saint-Eustache, le Fort Rouge, tu sais, c'est dit que nous autres familles, on n'avait pas de problème. Parce que mon père était ami avec Toby Mackay. Toby Mackay, c'était comme le chef du Fort Rouge. Il n'y a pas personne dans le Fort Rouge qui faisait quoi que ce soit sans demander à Toubi. Hein? Puis Toubi, mon père l'a connu. Puis quand il voulait, mon père, quand il voulait des hommes pour travailler sur la ferme ou travailler sur la construction, ou je sais pas, quelqu'un qui cherchait de l'ouvrage, ben, on allait voir Toubi un dimanche après-midi. Puis moi, je me rappelle, ce petit gars, je sautais dans le bas du truck et j'adorais le Fort Rouge, des petits chemins dans le bois. Hein. C'est pareil comme chez nous à Saint-Anne, mais présentement. Le Fort Rouge, mais ça existe le Fort Rouge à l'époque? Oui. Il est encore là. La communauté de Fort Rouge? Oui. Oui, mais à Saint-Eustache. À Saint-Eustache? Je parle pas de Fort Rouge, le bord de la traque, moi, c'est là, à Winnipeg, là. Non. Parce qu'il y a l'autre Fort Rouge que de la Vérendrye avec Pierre Le Vérendrye en 1738. Oh non, c'est pas le même. C'est un autre Fort Rouge à Saint-Eustache, ici au Manitoba. Oui. Puis, en tout cas, c'était une communauté de métis qui restait dans le bois, des petits chacs, puis il allait chercher des services à Saint-Eustache. Puis, il se trouvait de l'emploi à faire du bois, à Marquette, puis toutes ces places-là. Puis il faisait un peu de pêche la nuit à la cérémonie aussi pour le poisson. Puis il faisait la chasse pour les agneaux puis les chevreuils. Les autres, c'est intéressant leur histoire parce que c'est pas les. Ils n'avaient pas de titres beaucoup aux autres sur la terre. Alors, le gouvernement canadien a souvent vu eux autres comme des squatters. Ben, squatters, c'était quand même. Oui, ils prenaient un morceau de terre, puis ils s'entendaient entre eux autres. Ce morceau-là, jusqu'à la ligne de bois, c'est à moi, puis c'est à toi, puis c'est à l'autre. Puis c'était. Le monde se construisait, des petites maisons, là, des maisons, on appelle ça, des shacks, c'est ça. Puis, en proximité du chef, tu sais, si Toubi Makai est là, ben, le prochain là, qui faisait la chasse pour la communauté puis qui ramenait la viande, ben lui, il avait la permission de se bâtir pas trop loin, là. Puis il se bâtissait, là, parce que des fois, le chicken prenait, là, ben, mais vos recherches que vous avez faites sur l'Uriel, pourquoi vous trouvez que c'est important de faire? Qu'est-ce qui anime? Qu'est-ce que vous changez en connaissant plus sur l'histoire de l'Uriel? Ben, parce qu'ils ne l'ont pas raconté comme il faut. Ils ne l'ont pas raconté comme il faut. Mes documents prouvent que moi, ce que j'ai appris dans ces documents-là, moi, je ne l'ai jamais su. Je ne l'ai jamais appris à l'école. Mais là, dans votre livre, vous faites une peinture d'une histoire avec l'Église un peu moins reluisante, moins beau qu'on peut attendre en tant que l'Église et que catholique, c'est un peu plus, peut-être plus haut. Mais là, vous disiez qu'en fin de compte, c'était plus compliqué, c'était plus gris, c'était moins noir et blanc. C'était pas noir et blanc parce que Louis Riel, il essayait de sauver son peuple. Puis John A. McDonald, avec tout le restant du Canada, était contre lui. C'est aussi simple que ça. Parce qu'ils ont déménagé du Manitoba, ils sont rendus en Ontario, jusqu'à Batoche. Puis encore là, il était pas bien. Parce que John A. McDonald s'en venait avec ses immigrants, là, son plan B, Regina, Saskatoon, puis il voulait pas dans le chemin. Puis après ça, ben, il a John A. McDonald, il a pris l'Église de son côté aussi. Puis, je ne sais pas quel arrangement qu'il a fait avec Taché, mais Taché l'a laissé tomber, l'Ouriel. Moi, je trouve que c'est lui qui est le plus responsable. Parce que s'il avait voulu, Monseigneur Taché, il aurait pu être en tête de la rébellion des Métis au Manitoba, puis en Saskatchewan, avec l'Ouriel. Mais non, il l'a laissé tomber. Oui, puis là tu vas voir dans The Forgotten Trail, là, oui. Il parle de l'armée qui monte, là, tu sais. Oui. Puis il se demande comment est-ce qu'ils vont les faire monter, cette armée-là. Il faut qu'ils... Quand ils sont servis du Dawson Road, il fallait qu'ils s'en viennent à travers des lacs, tous les lacs. Oui. Puis j'ai lu dans le Forgotten Trail, là, qu'il montait... Des provisions. Puis, il y a une place que tu vas lire, si tu le lis, 20 tonnes de bacon. Hey, ça fait tout un tas de viande, ça. 20 tonnes. Moi, je pense que c'était une erreur, là. Tu sais, 2 tonnes, il me semble que ce sera assez. Mais, il dit dans le livre, 20 tonnes de bacon, puis 1000 millions d'avoine. Comment c'est que tu amènes 1000 millions d'avoine dans des canaux? Tu sais? Non, il faut que tu lises ça. Hein. Il faut. Mais la chose que j'ai trouvé incroyable aujourd'hui, quand je regarde ici à Winnipeg, Saint-Boniface, vous oui. avez la rue Taché. Oui. Et ça croise juste à côté le pont l'Uriel. Oui. Et ça croise, ils sont intermêlés encore aujourd'hui. C'est du monsieur-là, il était intermêlé quand il était plus jeune. Et ben, là, c'est encore l'histoire se continue aujourd'hui. N'oublie pas que les rues ont été nommées après. Oui, oui. Pour se souvenir de ces personnages-là. C'était des personnages remarquables, pour commencer. Mais ils ont fait des erreurs. C'est ça que je dis, moi. T'sais? J'ai trouvé un dictionnaire écrit par un oblat, je pense. Je pense à un oblat. Oui, oui. Le comble. Le comble, oui. Ouais. Ça dit que c'est un cri, oui. Il a écrit un dictionnaire en cri pour la nation cri. Mais, as-tu vu ça, un dictionnaire en cri? As-tu regardé ça? Son dictionnaire, je sais que c'était important, mais j'ai un autre dictionnaire sûrement basé sur celui qu'il a fait. Sacrifice, bâtisse. Des noms, ça de long, ça. Des W, des Y qui suivent. Puis. Mais les Oblats étaient très connus pour leur capacité à parler les langues autochtones à travers le pays. Oui. C'était parler, c'est pas trop pire encore, parce que tu peux t'en sauver, là. Tu tires les mots, puis tu fais toutes sortes d'affaires. Mais quand tu l'écris, puis que tu as un dictionnaire, tu l'écris correctement. Wow, ça prend du crin. Ça prend du crin. Bon, en tout cas, that's what it is. Oublie pas que dans ce temps-là, c'était toutes des petites fermes. Moi, j'ai été élevé avec des chevaux, des vaches, des cochons, des petits veaux. Mais les métis, ils font quoi? Ah! Les métis, eux autres, ils vivaient à part des Blancs, mais pas trop loin des Blancs pour être capable d'aller à la messe le dimanche. Parce que si ça ne va pas à messe le dimanche, ça va aller chez le job, hein? puis, proche des magasins. Puis, quand les Blancs, comme chez nous, on a commencé à avoir des docteurs quand j'étais petit gars, alors eux aussi avaient accès aux docteurs. Peut-être qu'ils ne pouvaient pas le payer, mais ces docteurs-là, dans le temps, hein, si le gars ne pouvait pas payer, il donnait le service pareil. Hein. Mais est-ce que vous allez à l'école avec les métis quand vous étiez jeune? Oui. Vous mêlez avec eux autres? Oui. Tu avais des amis métis? Oui, mais il y en avait moins chez nous qu'il y en avait à Saint-Eustache. Parce que le Fort Rouge... C'est là que la discrimination se faisait à Saint-Eustache, parce qu'il y avait des Blancs qui étaient riches, des gros fermiers. Puis à l'école, il y en a qui ne voulaient pas s'asseoir à... Tu sais, c'était des bancs doubles, ils ne voulaient pas s'asseoir avec des métis. Y a-t-il encore cette division entre des métis francophones et des francophones? Au Manitoba, est-ce que ça existe encore ou le monde s'en met? Ça existe un peu encore. Ça existe toujours. C'est discrimination. C'est pareil comme... Tu sais, comme moi, il y a du monde ukrainien ou italien, tu sais, que j'aime moins que d'autres, tu sais, mais c'est ça la discrimination au Manitoba maintenant. Dans ce temps-là, là, je parle moins de 50, 60 ans, c'est « it was hard discrimination ». C'est pour ça qu'il faut parler à madame, parce qu'elle est à l'école à Saint-Pierre. Et puis les sœurs, ils discriminaient contre elle. Ah ouais? Oui, parce qu'elle était métisse. Ah oui, parce que les Blancs, eux autres, les parents Blancs, ils avaient un peu plus d'argent, ils faisaient des faveurs à l'école ou aux sœurs, puis... Parce que les sœurs avaient soin de ces élèves-là aussi. Puis là, les métis passaient en dernier. Puis, pas une chose, c'est que souvent, Mme Abraham, étant plus pauvre, là, quand je dis pauvre, là, il mangeait du chevreuil, de l'animal, du poisson. Puis à part de ça, il n'y a pas grand-chose. Puis il a acheté de la farine au magasin, des Blancs. Puis elle venait amener ça à la maison, puis faisait du pain. Mais les enfants, ils n'avaient pas les habits que nous autres, on avait. S'habillaient comment? Du linge usagé des autres. Pas des pauvres. Bien, il y avait des boîtes de linge qui venaient de Winnipeg, puis ils s'habillaient avec ça. Nous autres aussi, on a eu des boîtes. Mon père travaillait pour le gouvernement. Il y avait des enfants gâtés à Winnipeg déjà dans ce temps-là. Puis il arrivait en hiver avec des boîtes puis des beaux chandails, pas de trous dedans, rien. Hein. Alors, quand ce monde-là, il se sentait pas habillé comme les autres, il faisait pas partie du groupe, hein, vous voyez? Oui. Puis là, c'est dur à endurer ça, pour les enfants quand ils sont jeunes. Ça rend plus résistant, plus bagarrier. Oh non, mais c'est pas ça. Mais quand tu joues au hockey, moi, Marcel, le plus vieux de mes frères, il joue au hockey contre les métis. On jouait contre les Saint-Eustache. Ben, Marcel est arrivé sur la glace là, avec des belles mitaines dans ce temps-là, tu sais, des mitaines là, de hockey, là. Oui, oui. C'est avec du bourrage dessus, là, ça. Puis l'autre, le pauvre maudit métis, lui, il a pogné les mitaines de son père, là, des mitaines de vache, tu sais, là, juste le cuir, là, avec rien dedans, là. Puis il embarquait sa glace avec ça. Ben, dans, il n'y a pas de helmet dans ce temps-là. Puis les patins, ben, tu comprends bien, c'était pas tout refilé. Il fallait payer pour les faire affiler. Et puis, à part ça, la dernière chose, c'est que à cause qu'il y avait un accent, il riait d'eux autres, là. Fait que ça riait d'eux. Puis ils ont commencé à parler comme eux autres, là. Ben, fait qu'ils ont commencé à parler en anglais. Ah! Ah, yes, monsieur. Parce que quand ils parlaient anglais, ils n'avaient plus d'accent. C'est pour ça que les métis francophones, plus ils ne parlent pas français aujourd'hui? Oui. Je suis très surpris, tout le monde avec les noms francophones, les métis que je rencontre, et ils sont incapables de parler français avec moi. Oui. Alors aujourd'hui, j'ai parlé avec M. Louis Bernardin, qui est auteur d'un livre sur Louis Riel, Avant et Après. Et M. Louis Bernardin était né en Ellis en 1934, excusez-moi, dans la municipalité de Cartier près de Louis Riel. Il vit sa jeunesse sur une ferme et prit le métier de charpentier de son père. Sa mère, part de sa sagesse, et sut lui laisser l'amour de travail et l'amour dès depuis de Saint-Jean. Son secondaire complété passe 12 ans à Winnipeg pour maîtriser le télégraphe et travailla 14 années pour le CN comme agent de station et opérateur télégraphe. En 1961, il a buté à Sainte-Anne où il participe à la planification d'un foyer qui ouvert ses portes en juillet 1965. Avec les sœurs grises, il s'occupa de la gérance pour 27 ans. En plus, il était responsable de l'hôpital de Sainte-Anne, durant quoi il a lancé un service d'ambulance existant encore aujourd'hui. En 1972, il fonda un musée qui brûla le 24 mai 2013, qui est très triste. Est-ce qu'ils vont rebâtir le musée? Bien là, on est en discussion là, pour trouver un autre local, puis... Mais vous ne pouvez pas remplacer qu'est-ce qui était dedans? Non, mais il n'y en a pas tant que ça qui a brûlé comme tel. On a sauvé beaucoup de stuff, puis à part de ça, j'ai encore chez nous assez pour faire un autre musée. Et également, c'est la mairie de la sénatrice Marie Chaput. Alors, merci beaucoup, Tapoué. Vous marcez à quoi qui toi dans les langues des Métis. You have been listening to At the Edge of Canada Indigenous Research, a show which interviews researchers and people of prime importance to Indigenous issues. I'm your host, Dr. Robert Falconillette, a program director with the Aboriginal Focus Programs at the University of Manitoba. If you wish to hear past episodes or find out more information, you may find it on our website at theedgeofcanada.com. At theedgeofcanada.com. Ikose kotoam. Beneath the half-moon sky, roamed o'er the lands on my mama's back. My daddy European, my mama's swampy Cree, and I'm mighty proud I'm Métis. Daddy taught me French, mama she spoke Cree, so I taught me chief, a little mix of both. From the time I learned to walk, that's all that I could talk, and I'm mighty proud I'm Métis. Deep inside I know that I am special. I am my mama's side and daddy's too. I am the best of both. You'll always hear me boast that I'm mighty proud I'm Métis. Mama realized a nation it was born, a nation that would rise. We were in between. I have my daddy. looks, my sister lovely Cree, and Ramada proud, we're Métis. Mama taught me to walk tall, Daddy to be strong. Hold your head up high, don't you ever bend. It'll be a long, long road, you'll carry a heavy load, but you're the best of both, you're Métis. Deep inside I know that I am special, I am my mama's side and daddy's too. I am the best of both, you'll always hear me boast that I'm mighty proud. Yeah, I am the best of both. You lie.